La profonde mélancolie qu'il y a en moi, elle ne s'en va pas et s'en ira jamais. Ça fait déjà 15 ans passés, mon Dieu que j'ai pigé, que j'étais cramé.